Bonjour mes frères et sœurs, mes chers amis. C'est aujourd'hui qu'on va commencer les vidéos, les études bibliques sur l'Épître aux Galates. Et nous allons ensemble commencer cela dans la prière. Notre bon Père du ciel, il est important pour nous de se courber devant toi et ainsi admettant que ce que nous allons regarder, étudier, méditer, vient de toi. C'est ta parole. Nous sommes conscients que ce n'est pas la parole de Paul. C'est la parole de Dieu que nous méditons. Nous voulons, Seigneur, encore une fois, méditer afin qu'on puisse te connaître, te comprendre. On veut aussi méditer afin de pouvoir garder l'enseignement reçu de toi. Garder ta parole dans nos cœurs. Être capable de discerner quand ça vient de toi et quand ça ne vient pas de toi. Donc, conduis-nous dans les semaines, les mois qui viennent pour qu'on puisse ainsi te glorifier. Amen. Donc, l'Épître aux Galates. Pourquoi Galates? Premièrement, je suis obligé de l'avouer, premièrement, c'est parce que je n'ai pas de vidéo de fait sur l'Épître aux Galates. Donc, on va la faire en vidéo de 20 minutes, comme c'est notre coutume, et on va essayer de passer au travers ça dans les quelques mois qui s'en viennent. Aussi, pourquoi Galates? Il me semble que c'est le bon moment dans la vie des croyants avec lesquels je suis en contact, dans ma propre vie aussi. Il me semble que, comme au temps de l'Épître aux Galates, nous devons nous arrêter en tant que croyant du Québec, en tant qu'Église dans le Québec, et de regarder, avons-nous reçu un évangile ou l'évangile? Parce qu'on va voir ensemble qu'il n'y en a pas d'autre évangile. Mais est-ce qu'on a reçu l'évangile qui a été transmis par les apôtres? Ou si on a reçu un autre évangile? Est-ce qu'on l'a bien reçu? Et est-ce qu'on la transmet encore bien? Parce que la tendance de l'Église, c'est de s'éloigner de la vérité. On le voit dans les cycles, dans l'histoire de l'Église. L'Église a tendance à s'éloigner et devenir des églises mortes. Et c'est la coutume dans les épîtres. Paul dit ici, je m'étonne. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de l'Évangile que vous avez reçu. Et tous les livres, toutes les lettres, Paul ramène l'Église à l'Évangile qui a été transmis par Jésus et par les apôtres. Si ça c'est vrai, en l'espace de 30 à 40 ans ou 50 ans, imaginez-vous 2000 ans. C'est pour ça qu'on voit à travers l'histoire des Églises qui naissent et qui prêchent l'Évangile, et quelques 150, 200 ans après, ces églises sont libérales ou sont complètement fermées. Ils ne prêchent plus l'Évangile de Dieu. Donc, c'est le temps pour nous de s'arrêter et de méditer là-dessus. Et l'Épître aux Galates va nous aider à le faire. Parce que Paul demande aux chrétiens de l'Église, de se remettre en question, de bien regarder s'ils croient à l'Évangile reçu des apôtres ou s'ils ont abandonné pour aller vers un autre Évangile. C'est l'apôtre Paul qui leur écrit, parce que c'est normal, c'est lui qui a fondé l'Église. On le voit en lisant les Actes des apôtres, il est le fondateur de l'Église de Galates. Il va le dire dans l'Épître. Et c'est à cause d'une maladie que je me suis rendu premièrement chez vous. Et qu'il leur a emmené l'Évangile pour la première fois. Donc c'est lui le fondateur, celui qui a mis les fondements doctrinaux dans les églises de la Galatie. Mais il est important de comprendre qu'il ne s'adresse pas à une église particulière, une église locale, dans une ville, mais comme on va voir au chapitre verset 1, il va s'adresser aux églises de la Galatie. C'est ça qu'on dirait aux églises du Québec. Ce n'est pas juste une église, mais un ensemble d'églises dans un territoire donné. Paul était bien placé aussi parce qu'il comprenait. C'est des Juifs qui sont en dehors d'Israël, comme lui-même était un Juif qui venait de Cilicie, qui était en dehors d'Israël. Donc il les comprend. Il comprend leurs difficultés. Il comprend qu'ils peuvent être influencés par la Mecque du judaïsme qui se trouvait à Jérusalem. Jérusalem était comme la ville mère du judaïsme, et quand des gens venaient de Jérusalem, on avait tendance à les écouter. Et les apôtres étaient à Jérusalem. Donc tout ce qui arrivait à Jérusalem avait tendance à avoir une influence sur les Juifs. Donc on va regarder ça ensemble. Donc Paul est bien placé pour leur parler. Paul aussi est bien placé parce que lui connaît la position des Juifs de Jérusalem. Lui est allé rencontrer Pierre, Jean, Jacques à travers son ministère. Il sait qu'il a reçu l'approbation. Il sait qu'il a le même évangile que les apôtres. Donc, il a une autorité. Donc, il comprend tout ce qui se passe. L'année que ça a été écrit, l'Épître aux Galates, on pense, c'était les années alentour des années 55. C'est une des premières épîtres à être écrite par l'apôtre Paul. Et il écrit, comme je l'ai dit tout à l'heure un peu, il écrit à des églises et ils sont majoritairement juifs, je crois. L'Église commençait presque toujours avec dans les synagogues, comme on voit Paul aller dans les églises, dans les villes, dans les territoires, et il va la plupart du temps dans les synagogues, et de là, quelques juifs vont se convertir, et ensuite, ça va s'ajouter souvent des non-juifs. Mais je crois que c'est des juifs parce que Paul fait tellement référence à l'Ancien Testament, en commençant avec Abraham, avec Moïse, avec Sarah, avec Agar, et avec la loi. Donc, si ça n'avait pas été des Juifs, il y aurait eu bien de la misère à comprendre les arguments de Paul. Mais ils sont Juifs, ils connaissent la loi, ils connaissent l'Ancien Testament. Ils sont Juifs aussi parce que je crois qu'ils se laissent influencer, pas troublés par des gens qui viennent, soi-disant des apôtres ou de Jérusalem. On va voir ça ensemble. Donc, c'est probablement des Juifs qui vont recevoir la lettre de l'Épître aux Galates. Pour nous qui ne sommes pas juifs d'arrière-plan, ça nous handicape un petit peu. Si on ne connaît pas l'Ancien Testament, ça nous handicape un petit peu. Parce qu'il va faire référence souvent à l'Ancien Testament pour mettre des bases. Parce que l'Évangile est le résultat de l'Ancien Testament. Les prophéties ont été faites là, la loi a été donnée là. Jésus est né pendant l'Ancienne Alliance. Donc, on faut comprendre un peu la compréhension des alliances pour bien comprendre les arguments que Paul va amener. On va y faire référence en s'en allant aussi. Donc, c'est Paul, dans les années 55, qui va parler à des Juifs qui ont une connaissance de la loi et qui vont comprendre les références, ils vont utiliser pour les amener à comprendre que ce que les faux docteurs amènent, ce n'est pas en accord avec la loi, en accord avec les prophètes et en accord avec l'Évangile prêché par Jésus-Christ et les apôtres. Pourquoi Paul leur écrit-il? Parce que, comme on va voir, il y a des hommes qui sont arrivés, soi-disant de Jérusalem, soi-disant avoir été envoyés par les apôtres, par l'Église de Jérusalem, et ils viennent pour imposer la loi. Ils viennent pour emmener les Juifs, ces croyants-là, à ajouter à l'évangile qu'ils avaient reçu de Paul. Ils vont dénigrer Paul parce qu'ils vont dire que Paul n'est pas à la hauteur des apôtres qui ont vécu avec Jésus pendant 3 ans. Ils vont aussi emmener ou vouloir emmener les chrétiens à pratiquer certaines parties de la loi, comme la circoncision surtout, pour être sauvés ou pour être justifiés. Donc Paul a entendu cela, a entendu parler de cela, sait cela, et il va écrire à l'Église, aux églises de la Galatie, afin de confronter ces faux enseignants-là, confronter les faux docteurs, et s'il n'est pas trop tard, de ramener les églises à la foi saine, à la foi apostolique. Il va dire, est-ce que j'ai travaillé en vain parmi vous? Tout ce que j'ai fait, est-ce que c'est vain? Donc, des bouts, on aurait presque envie de croire qu'ils ont tombé dans le panneau, qu'ils ont écouté les faux docteurs. Et d'autres fois, on a l'impression qu'ils ne sont pas encore trop loin, du moins, pour que Paul puisse les ramener à leur bon sens. Ce fut à travers l'histoire de l'Église, le grand combat de l'Église. Garder la vérité, garder la doctrine, transmise une fois pour toutes, comme dit Jude. L'Église a eu tendance, à travers les années, à cause de toutes sortes de raisons, de faux docteurs, à cause de la société dans laquelle ils vivaient, à cause des pressions qu'ils venaient, des persécutions, on a eu tendance à enlever certaines parties de l'Évangile, comme on voit aujourd'hui qu'on a tendance à vouloir enlever l'enfer. Et d'autres fois, on a ajouté à l'Évangile. Comme ça va être le cas ici, on va vouloir ajouter à l'évangile de la grâce la circoncision et la loi. C'est comme on a vu dans Acte 15, où est-ce qu'il y a des Juifs qui disaient qu'ils ne pouvaient pas être sauvés s'ils n'étaient pas circoncis. Et les apôtres et Paul vont se battre avec cela pour dire non. On est sauvé par la foi seule et non pas par la foi plus la circoncision. Et ils n'ont pas besoin de devenir des prosélytes juifs pour être sauvés. On a tendance à enlever ou on a tendance à ajouter. Ces hommes-là ici ne vont pas dire ou rejeter en bloc tout l'évangile annoncé par Paul, mais ils vont discréditer Paul, vont dit que Paul a moins d'autorité que les Juifs de Jérusalem, ou les apôtres qui sont de Jérusalem, et ils vont dire, oui, oui, croyez en Jésus, mais il faut rajouter la circoncision et la loi pour être sauvé, pour être justifié. L'apôtre Paul va démontrer que non, ils n'ont pas besoin de cela, et même s'ils le font, Jésus ne leur sert plus de rien. Si on rajoute quelque chose pour être justifié, nous ne sommes pas justifiés. Si on enlève quelque chose, on n'est pas non plus justifié ou sauvé. Pour être sauvé, il faut garder l'évangile apostolique. Parce que Paul, on va voir ensemble, Paul va dire, si tu as un autre évangile, tu es un anathème. Si tu annonces un autre évangile, tu es un anathème. Mais si tu suis quelqu'un qui annonce un autre évangile, tu es aussi un anathème. L'aveugle qui suit un aveugle, les deux tombent dans le trou, pas juste un. Donc, il faut faire bien attention pour évaluer ou réévaluer l'évangile que je crois présentement. L'évangile en lequel j'ai mis ma foi, ma confiance. Est-elle l'évangile apostolique? Les gens qui m'en l'ont emmené, qui m'en ont transmis, m'ont-ils transmis la vraie évangile? Une évangile complète? Ou non pas un évangile avec lequel on avait fait des rajouts? Il est important qu'on puisse saisir pour nous, qu'allons méditer sur l'Épître aux Galates, de bien comprendre que cet épître-là a été écrit à des chrétiens qui sont en train ou ont peut-être déjà abandonné l'Évangile. Ils sont juste à la ligne, peut-être. Donc, il faut faire attention, vous et moi, quand nous lisons l'Épître aux Galates, de ne pas appliquer l'Épître aux Galates à une église ou à un chrétien qui vit sa foi dans l'Évangile. Il ne faut pas faire de l'Épître aux Galates un épître de moralité pour essayer d'emmener des chrétiens qui fonctionnent avec l'Évangile à être des meilleurs chrétiens. Non, ce n'est pas le but de l'Épître. Le but de l'Épître, c'est d'emmener ou de ramener ou de garder les chrétiens dans la vraie Évangile. Donc, on va se servir de l'Épître aux Galates pour encourager un chrétien qui veut rajouter quelque chose ou des chrétiens qui veulent enlever quelque chose à la foi transmise. L'Épître n'est pas écrit pour exhorter les chrétiens à prier plus, à donner plus, à avoir une vie plus sainte, mais plutôt à regarder, est-ce que j'ai reçu l'Évangile qui venait de Paul, l'Évangile qui venait des apôtres, l'Évangile de Dieu, bien entendu, la bonne nouvelle de Dieu, qui était transmise par les apôtres et par Paul. On a tendance à prendre les passages de l'Épître aux Galates et de faire la morale aux chrétiens. Ce n'est pas le but. Donc, on va y revenir, puis on va s'encourager mutuellement à ne pas faire ça. Il y a quelques passages, surtout, qui sont utilisés dans le chapitre 5 et chapitre 6 pour faire la morale aux chrétiens, pour sermonner les chrétiens. Quand le but, ce n'est pas de sermonner les chrétiens, mais d'encourager le chrétien à bien évaluer l'Évangile qu'ils ont reçu, bien évaluer ce qui leur amène l'Évangile. Celui qui m'emmène l'Évangile, est-ce qu'il l'apprend dans les Écritures? Ou bien non, s'il l'apprend ailleurs? Ça va être important. Donc, l'apôtre Paul, des années 55, il écrit à plusieurs églises, l'église de la Galatie, et il répond ou confronte des faux enseignants, des faux docteurs qui veulent changer, qui veulent emmener un autre évangile, qui ont troublé les chrétiens, qui ont séduit les chrétiens, pour les emmener à abandonner l'évangile de la grâce seul pour être sauvé. Donc, on va regarder l'Épître aux Galates dans cette optique-là. Notre bon Père du ciel, merci. Merci que tu nous as laissé cette belle épître pour nous aussi regarder. Est-ce que l'Évangile dans lequel j'ai cru, c'est la vraie Évangile, c'est l'unique Évangile, c'est l'Évangile qui vient de Dieu, l'Évangile qui vient des apôtres. Seigneur, aide-nous, en tant qu'individu, en tant que groupe, en tant qu'Église, de voir, dire, est-ce qu'on a rajouté quelque chose à l'Évangile? Ou est-ce qu'on a enlevé quelque chose? Parce que sans cela, si on a fait cela, on est des anathèmes. Donc, il est important, Seigneur, que tu nous instruises. C'est ta bonne nouvelle, c'est ton évangile. Donc, que par ton Esprit Saint, conduis-nous dans les semaines et les mois qui s'en viennent. Amen.